بسم الله الرحمن الرحيم. الدعوة السلفية باليمن. على plaisir de vous présenter. On commence aujourd'hui ces دروس ان شاء الله في آداب المعلمين والمتعلمين للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمة الله عليه. Par Mounir ibn Ahmad al-Maghribi, hafidhahullah ta'ala, cours numéro 10. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillahi wahdah, wa salatu wa salam ala man la nabiyya ba'dah, ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasooluh, sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira amma ba'd. ماذا أخذنا في الدرس السابق عند من تفضل العمل بالعلم فما هي العلاقة بين العلم والعمل c'est quoi le lien entre العلم والعمل عندك نعم mettre en pratique ce qu'on apprend donc le lien hein العبادة ها نعم لكن c'est quoi le lien entre les deux العمل par rapport au علم c'est quoi l'exemple qu'il nous a donné رحمة الله عليه qu'on a cité celui qui n'applique pas le علم qu'il a appris le lien c'est que le علم c'est comme un arbre et العمل c'est les fruits العلم c'est une شجرة العلم. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala il compare le Coran l'iman avec un arbre. L'iman, c'est l'ilm. Et tu ne peux pas croire si tu n'as pas de ilm. Tu es obligé d'avoir une connaissance en une chose. ثم تؤمن بها. فهذا العمل سبمنزلة الثمار. Et les fruits. Et كذلك il a insisté Cheikh Saadi sur al-muraja'a la révision et la révision par rapport au ilm al-amal c'est comme quoi il l'a comparé à celui qui arrose labud celui qui arrose inshallah il va prendre soin de ce ilm et il va profiter des fruits hakada celui qui fait le muraja'a celui qui révise celui qui prend soin de cette ni'ma il va profiter akthar Et celui qui délaisse, voilà aussi il a appris. Et il délaisse, il ne fait pas d'effort. Faroubama, cet arbre, il meurt. Faroubama, seul, il l'oublie. Seul, il n'en profite plus. Les mazas, les anna, il n'a pas préservé cette ni'ma. Fahada, ma dhakarahu, Cheikh Saadi, rahmatullah alayhi. Kadhalik, il a cité, anna, طالب العلم il a un comportement avec son frère avec son ami طالب العلم نعم فإلى حق عليك c'est quoi les حقوق qu'il a sur toi ton frère qui طلب العلم معك il a des droits sur toi حقوق ما هي النصح أحسنت كذلك نعم الاحترام كذلك المحبة لأنه قبل أن يكون طالبا للعلم سيا مسلم والمؤمنون بعضهم أولياء بعض كذلك التعاون كذلك le bon comportement et il a cité plusieurs choses Cheikh Saadi رحمة الله عليه كذلك Cheikh Saadi il a fait un tambih أن الإنسان il perd pas son temps طالب العلم il perd pas son temps خاصة بالاشتغال بالناس. On a dit, on a détaillé et on a précisé que علم الجرح والتعديل وبعض أهل البدع والرد عليهم سمين منهج أهل السنة. لكن dépasser les limites, suivre les rumeurs, délaisser des ibadats, délaisser des choses importantes ou plus importantes dans certains cas, c'est pas min al-tawfiq. طالب العلم Il place chaque chose à sa place. Il met chaque chose à sa place. Ton corps, il a un haq sur toi. Ta famille, elle a un haq sur toi. Ton professeur, il a un haq sur toi. tes amis, tes frères, ils ont un haq sur toi. Les musulmans, ils ont un haq sur toi. Mais chaque chose a sa place. C'est pas minat tawfiq kadalik un talib al-ilm yatlub al-ilm et il délaisse sa famille. Il délaisse sa famille et il les conseille plus. Ça ne veut pas dire qu'il reste avec eux. Khasatan si son fibila al-kufr, al-wajib alayhi c'est de faire l'hijra. Ça ne veut pas dire qu'il ne doit pas quitter sa famille. Là, quand on dit délaisse sa famille, hey, il ne donne plus de nouvelles. Pas d'appel, pas de conseil. Hada, il a un taqsir a'azim. Lianna talab al-ilm, tu étudies, il doit avoir des fruits, comme on a dit al-amal. Et parmi ces fruits, c'est que tu n'oublies pas ta famille, khasatan tes parents. Même si c'est des koufars, ils ont un haq alayk. Tu dois donner tes nouvelles souvent, hatta ils ne s'inquiètent pas. Tu dois les conseiller, tu dois les être doux avec eux. Et eux, ils vont voir que ce changement, ils vont voir qu'il y a un changement dans ton comportement. Tu es un muhsin avec eux, tu es muhsin, tuhsin ilayhim. Et inshallah yata'atharun, ils vont voir que hada al-ilm, ce chemin que tu as pris, c'est bénéfique pour toi. Falhadar, al-hadar, de ne pas mettre les choses à leur place. Et de délaisser une chose qui est plus importante et de faire passer une chose qui est moins importante avant. Ça, c'est important pour le talib. Donne le haq à tes parents, donne le haq à ton nefs, donne le haq à tes proches. Kadalik, celui qui est marié, donne le haq à sa femme. L'annaha a un haq sur toi. Tes enfants. Et, inshallah, l'essentiel, c'est l'estimara. Ne pense pas qu'en délaissant ta famille, ne plus donner de nouvelles, ne pas donner le haq à ta femme, ne pas donner le haq à tes amis, ne pas donner le haq à toi-même, tu penses que tu avanceras plus vite. Là. Si tu ne donnes pas le haq aux autres, khasatan al-huquq al-wajiba, tu te feras du mal. Là, tu khalif sunnat al-Nabi alayhi salatu salam. Et le baraka l'est fait l'ittiba. Le baraka l'est fait l'ittiba. Et talabul ilm, si tu es régulier et tu donnes à chacun son haq, tu avanceras bi'idhnillah. Et tu avanceras comme il faut avancer. En faisant des efforts, bien sûr. Hada, c'est un tambih muhim qu'il a cité Cheikh Saoudi pour Talabat al-ilm. Tout ma qal, Cheikh Abdussalam, il a cité un titre Al-Qana'atu bil-Yassir. Et nous, on a développé ce point, Al-Haqiqa, quand on a parlé de Al-Tahdir min al-Dunya et dans d'autres passages. Lakin naqra. Al-Qana'atu bil-Yassir. القناعة تقنع بما آتاك الله سبحانه وتعالى أي ce que Allah سبحانه وتعالى il t'a donné, ça doit te suffire. Tu te suffis du peu. Et ça, c'est important pour طالب العلم. لأن si le peu qu'il a, ça ne lui suffit pas, alors qu'il a de quoi manger, de quoi s'habiller, il a un foyer, normalement, ça doit lui suffire si il veut avancer fil ilm. Amma, comme on l'avait dit, les projets et al-istirsal, il t'ouvre les portes fil dunya et tu veux toujours plus et tu vises toujours plus haut dans le confort, etc. Ça prendra du temps sur at-talab. T'as une journée de 24 heures comme tout le monde. Si tu te suffis du peu, tu verras que tu auras beaucoup de temps dans ta journée. Ce temps, tu fais des efforts fi talab al-ilm. Amma les projets, vouloir toujours plus. Hada, le temps qu'il a, il le mettra fi dunya. Le Cheikh Saadi rahmatullah alayhi, il va conseiller ses frères talabat al-ilm de faire un choix et faire des sacrifices si tu veux avancer fi al-ilm. Et c'est un fa'lak. C'est plus bénéfique pour toi, c'est plus profitable pour toi et pour l'umma que tu fasses des efforts fil ilm. Amma ashab dunya, il y en a beaucoup. Ashab dunya, dans tous les domaines, ils sont assez. Tu prends le domaine de la médecine, tu prends le domaine de l'industrie, tu prends le domaine économique, tous ces domaines, il n'y a pas de manque. Bel les ahyanan, ils sont trop. Amma fi al-ilm al-shar'i, il y a un manque. Malgré ce manque, là, t'as donné Anna, c'est le moins important. Là, c'est le plus important et c'est le plus bénéfique. Là, qu'il la yuwaffaq ilayh illa man arada Allahu azza wa jal lahu al-khayr. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاوية من يريد الله به خيرا يفقه في الدين. Celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala il veut du bien, il lui enseigne الدين. Et ça devient طالب العلم. Et il fait des efforts. فنحن on fait des efforts في هذا. C'est أحسن. Et c'est أفضل. لكن si tu veux faire des efforts et avancer, القناعة باليسير. Sois modeste. Contente-toi du peu. Dunya, dunya. T'as un qamis, t'as deux qamis, t'as trois qamis, wallahi alhamd, ça te suffit. T'as pas besoin de faire des efforts et acheter 20 qamis de la marque, ça te prendra du temps. Hein, t'as un moyen de transport, wallahi alhamd, ça te suffit. Tu te déplaces, ça te suffit. T'es pas obligé de faire des efforts pour avoir un modèle haut de gamme, c'est très cher, donc ça implique beaucoup d'efforts. Quand t'as un foyer, tu dors, tu manges, ça te suffit. T'es pas obligé d'avoir une maison dans tel endroit, de telle valeur. Là, tout ça, ça partira. Tout ça, ça partira. Tu le délaisses, tu délaisseras ces choses, ou ces choses, elles te délaisseront. Et une des deux. Que ça reste là. L'ilm, ça reste. Et l'ilm, même après ta mort, comme on a cité plusieurs fois, t'aimes te faire. Si t'as des élèves, tes élèves ils propagent, t'as du hajj. Si t'as écrit des livres ou t'as propagé des audios, ça reste. Tous ceux qui profitent, t'as l'ajr wa anta fi qabrik. Amma ad-dunya la. Ad-dunya c'est une fitna. Rubbama, tu fais des efforts et tu vises toujours plus haut et tu te contentes pas du peu. Rubbama tuftan. Comme les gens, ils sont rentrés fi ad-dunya, ils ont fait des efforts. Au début, ils avaient une niya saliha. Rubbama ba'dhum c'était pour l'hijra, ba'dhum c'est pour être, ne pas dépendre de des kuffars ou des fussars pour qu'ils puissent appliquer son din. Ils sont rentrés vite dunya, il ne vient plus au masjid. Alors qu'il travaille pour lui-même, il n'a pas de patron, c'est lui son propre patron. Il n'a pas fait le hijra. Il ne vient plus au masjid. Il fait des mukhalafat. Rubbama de la mixité. Pourquoi au départ ta niya c'était pour ton din et maintenant tu contredis beaucoup de choses? Pourquoi? Les anna dunya c'est une fitna. Plus t'avanceras fait dunya, plus les règles qu'ils ont mis là, dans le commerce, etc., c'est très dur à appliquer ton din. Ah, certain, si tu vas loin fait dunya, tu verras qu'il y a des choses, ça t'étape. Donc, se contenter du peu, faire des efforts fil ilm, c'est ahsan lak. Et tu verras que tu seras plus reposé. Qalbuka yatma'in akthar. Là, t'attends ceux qui ont des millions. Ceux qui ont des millions et ils font des efforts fidounia, là, ils dorment comme tu dors, ils se reposent comme tu te reposes. Là, wallahi, ils ont mis al-humum ou al-humum, ma la, tavunnu. Ils réfléchissent et ils ont du stress et ils sont fatigués des choses que tu peux pas imaginer en tant que talib. Ce repos que tu as et inshurah al-sadr, t'es mutma'in. Tout ça, c'est l'ilm. L'ilm, c'est une ni'ma fidounia. Et si on est sincère et on fait des efforts, fil akhira, ça nous sera profitable. On s'en Allah subhanahu wa ta'ala tawfiq. قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث عبد الله بن عمر ابن العاص في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. قد أفلح. Celui qui veut réussir, أولا يغنف الإسلام. من أسلم أما الكافر لا يفلح ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فالسلو كي بغيسير أولا التوحيد الإسلام الإيمان. Et ce islam, comme on répète souvent, c'est دين الله كما قال عز وجل إن الدين عند الله الإسلام. C'est دين الله, c'est pas دين فلان. Nous, on adore Allah subhanahu wa ta'ala avec ce que Allah subhanahu wa ta'ala il a légiféré dans son Coran et fi sunnat nabiyhi sallallahu alayhi wa sallam. Et tu veux réussir, applique ce islam. Kadhalik wa ruziqa kafafan. Et le risque que Allah subhanahu wa ta'ala il lui a donné, ça lui suffit. Tam fihi al-kifaya. Lianahu li modeste. Mais celui qui n'est pas modeste, une maison, ça ne lui suffira pas. Une voiture, ça ne lui suffira pas. Un salaire de milliers d'euros, ça ne lui suffira pas. Il y en a, il veut toujours plus. قال عليه الصلاة والسلام وقنعه الله بما آتاه. الله سبحانه وتعالى يعمي لا قناعة في قلبه. Toujours يحمد الله. Il est satisfait. Il a beaucoup, il a pas beaucoup, il est satisfait. Pourquoi? Parce qu'il sait que cette dunya, c'est éphémère. Il sait, lui, il travaille pour l'akhira. Mais t'as une voiture, t'as deux voitures, t'as 10 voitures, tu vas pas les emmener avec toi. Ta voiture, elle te servira à rien. T'en as besoin, fait dunya, c'est halal, tayyib. Amma, tu fais des efforts et ça te prend ton temps. T'arrives plus à adorer Allah Azza wa Jal. C'est une fitna. C'est un char. Moyen de transport, c'est pour se déplacer. Tu te déplaces, alhamdulillah. قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما أتى. حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في صحيح مسلم. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. Le prophète صلى الله عليه وسلم il a fait ce dua. قوتا أي كفافا فيه الكفاية. Il a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala que le risque pour la famille du prophète alayhi sallam, ça soit un risque qui leur suffit, quelque chose de modeste. Wa nabi sallam pendant des mois, comme al-ja'a fi hadith Aisha, pendant des mois, ils n'ont pas allumé le feu chez le prophète alayhi sallam, pour faire à manger. Ils ont demandé à Aisha, comment vous avez survécu? Elle leur a dit al-aswadan at-tamr wal-ma. Les dates et l'eau, pendant des mois. Et dans un autre hadith, une personne est venue demander sadaqa au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a demandé à ses femmes. Et il en avait plusieurs, comme ta'alamou. Et chaque fois qu'il demandait à une de ses femmes, elle regarde à la maison, qu'est-ce qu'on peut lui donner. Et chaque femme, elle revenait, elle disait, ya Rasulallah, il n'y a rien. Il ne trouvait rien chez lui, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, pour donner à, pour sadaqa. La modestie, et ce n'était pas son but. Le but de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'était pas de dunya. Il y en a, il sait que c'est une chose éphémère. Belle, il nous a mis en garde contre dunya. La dunya, c'est une chose qu'on s'en sert pour l'akhir. C'est comme un champ. Tu cultives et tu récolteras plus tard. Et tu sais que ça reste pas. À tout moment, tu peux y délaisser. Hatta ba'dhum, ils font des efforts, fi dunya, ils font des efforts, tombe, ils tombent malades, ils profitent pas. Ah oui, ils meurent. C'est ses héritiers qui partagent. Allah alam, qu'est-ce qu'ils vont en faire? Allah alam, s'ils vont faire une sadaqa pour lui. S'ils vont penser à lui, un dua, Allah alam. Si ça part de salihoun, alors ils ne penseront plus à lui. Qala Cheikh Sa'di rahmatullah alayhi, wa'alam anna al-qana'a bil-yassir wal-iqtusad fi amri al-ma'isha matloub min kulli ahad. Ça fait le haqiqa, c'est pas que pour talabat al-ilm. Al-iqtusad. Al-iqtusad, c'est faire des économies. La modestie. Al-muslim, il doit être modeste. Amma al-kafir, la. Et c'est une différence entre le muslimin et le kuffar. Un musulman, il est modeste dans sa nourriture, dans son vêtement quand il s'habille, dans sa monture. Il est modeste. Ou le kafir bil aks. قال ولا سيما المشتغلون بالعلم لكن طلبة العلم أكثر. Il doit faire des efforts أكثر في هذا الباب. قال فإنه كالمتعين عليهم. نعم. فإنه كالمتعين. C'est comme si c'était wajib pour eux. Si ils veulent avancer. قال لأن العلم وظيفة العمل كله أو معظمه فمتى زاحمته الأشغال الدنيوية والضروريات حصل النقص بحسب ذلك. Ce علم أولا il va prendre du temps. Les دروس الحفظ المراجعة البحث. Après ça va impliquer الدعوة. كذلك ça implique الأعمال. Tu dois appliquer. Ça te prend du temps. Si ce temps, on va dire, tu as 5 heures dans la journée. Si ces 5 heures de la journée, elles ne sont pas utilisées fil ilm, elles sont utilisées dans autre chose. Et nous, pourquoi on a dit 5 heures, on n'a pas dit plus? On sait très bien, walillahi alhamd, que l'amal, c'est mubah. Bel ahyanan, tu dois travailler pour subvenir à tes besoins, les besoins de ta famille. Lakin, on a cité 5 heures, et ce qui reste? Ce qu'il reste, maintenant tu travailles le matin. Tu payes ton loyer, tu manges, tes enfants ils mangent. Alhamdulillah. Tu pourrais faire plus, avoir plus de confort. Lakin, comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, wa qanna'ahu Allah bima ata. Il sait que, alhamdulillah, c'est bon, ça suffit. On pourrait faire plus mieux, lakin le plus pour l'ilm. Hada. Amma celui, toujours il veut plus. Ya akhi, tu ne seras jamais satisfait. Comme a khabar al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, celui qui, Allah subhanahu wa ta'ala, s'il lui donne un wad min dhahab, il voudra un deuxième. Le wad, un wad c'est un fleuve. Min dhahab, est rempli d'or, il voudra un deuxième. Un deuxième, il voudra un troisième. Hakada. Bani Adam. Banu Adam, ils sont comme ça. Wa al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, fait al-hadith, qal, wa la yamla jawfahu illa al-turab. Cet être humain, il veut toujours plus, et il est jamais satisfait. Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a montré là, ce qui remplira son ventre, cette Torah. Et il mourra et il sera enterré dans la terre. Enfin, pourquoi tout ce ijtihad alors que une chose, elle te suffit, et une chose que tu as, elle te suffit, et il y a une chose beaucoup plus importante que tu as besoin. Talabul ilm faridatun ala kulli muslim. Comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est une obligation pour chaque musulman. Les fondements de la religion, les choses que tu as besoin pour adorer Allah. Awa'aduhum, l'ayl nahar fi dunya, il ne sait pas réciter le Fatiha correctement. Tu as besoin pour ta salat. Il ne sait pas faire l'ordo correctement. Tu as besoin pour salat. Il ne sait pas faire salat correctement. Ba'aduhum, ils ont des problèmes fi tawhid. Khasatan, ceux qui vivent avec des gens qui n'ont pas d'inaya bi tawhid, ils ont des afkar qui ne sont pas fondés sur le kitab ou le sunnah. Et non. Ton mari perd son temps dans des futilités, dans des choses qui pourraient s'en passer. قال فمتى زاحمته الأشغال الدنيوية والضروريات حصل النقص بحسب ذلك والاقتصاد والقناعة من أكبر العوامل لحصر الأشغال الدنيوية. Pour bloquer cette fitna, أشغال, des choses qui t'occuperont في الدنيا, الاقتصاد والقناعة, deux choses, tout ça avec l'ikhlas, si t'es sincère. Al-iqtisad, tu fais des économies, ou al-qana'a, tu te contentes de ce que Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné. Et là, talib al-ilm, il a un besoin, maintenant sa femme elle est malade, ou sa fille elle est malade, ou il a besoin d'un foyer plus grand, et dans un temps déterminé, il fait des efforts. Taïb, inshallah, s'il est sincère, wa yahtasib, il est fait ibad. Il a une responsabilité et il demande à personne. Hada, c'est tayyib. Tombe une fois que, alhamdoulilah, il a ce qu'il voulait et tout va bien, il se recontente du peu qu'il a et il avance. Pourquoi? Son but, c'est l'ilm. Son but, c'est l'akhira. Donc, très très important, ayyuhal ikhwa, d'avoir des objectifs, des buts. Si ton but, ton objectif, c'est l'akhira et l'ilm, ta dunya, elle sera adaptée par rapport à l'ilm ou l'akhira. Si c'est l'inverse, dunyak, ton temps, ça sera basé sur la dunya. قال وإقبال المتعلم على ما هو بصدده. نعم, ce qu'on vient de dire, c'est ton objectif. L'iqbal, c'est que tu fais des efforts. Ton temps, ça sera fait l'ilm. L'ilm, c'est la base. وهذا On a détaillé beaucoup dans cette risala, on en a parlé plusieurs fois. Wa alhamdulillah, c'est compris. Et on demande à Allah al-tawfiq. Talibul ilm, ne te repose pas sur tes acquis. Ne te repose pas. Là, t'as donné, c'est ton argent, c'est tes forces, c'est ton intelligence. T'es un débrouillard. Là, t'as donné, c'est ça qui feront que t'avanceront. Al-amru biyadillah min qabl wa min ba'd. C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Nous, on parle, c'est des asbab. Il faut le faire. Lakin, n'oubliez pas. Et on ne doit pas oublier at-tawakkul ala Allah et du'a. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il facilite à qui veut. Qala Cheikh Abdus Salam rahimahullah, bathul ilm ay ad-da'wa. Ad-da'wa. Donc il a cité l'amal et il a cité des choses qui écartent talib al-ilm du amal, ay al-mujadala, munadara fariqa, al-jidal. Kadhalik, il a cité ad-dunya. Kadhalik, il a cité al-ishtighal bi an-nas. Kadhalik, il a cité ceux qui se contentent pas du peu. Al-an, il passe à un autre point important. Ad-da'wa. Kama qala 'azza wa jalla wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu al-'ilm wa 'amilu as-salihat. Al-'amal wa qala 'azza wa jalla wa 'amilu as-salihat wa tawasaw bil haqq. Ad-da'wa wa tawasaw bis-sabr. Tout ça, c'est fondé sur la patience. Patiente sur l'amal. patiente sur cette dunya. Contente-toi du peu, lakin ça demandera de la patience. Si tu veux avancer, fais l'ilm. C'est pas la moindre chose, tu baisses les bras et ba'dhum wallah musta'an, ils sont hakada. Une petite épreuve, fais l'ilm et il délaisse et je dois travailler, je dois faire, je reviendrai plus tard ou je continuerai plus tard. Patiente. Patiente est ton objectif. Toujours. Al-ilm wal akhir. Et si tu n'as pas le choix, tu dois travailler la base. Tant que c'est halal. Lakin, on parle si tu veux avancer fil ilm. Subir. Kadhalik ad-da'wa. Patiente. La tadun que tout le monde acceptera. Surtout au départ. La tadun hada. Lakin, subir. Qala wa min adab al-alim wal-muta'allim al-nusr. Wa bath al-ulum al-nafi'a. بحسب الإمكان حتى ولو تعلم الإنسان مسألة واحدة. نعم الدعوة c'est pas réservé aux savants. Là, les savants c'est ceux qui font le plus دعوة et c'est ceux qui font le mieux دعوة. لكن طلبة العلم كذلك لأن le savant il peut pas conseiller tout le monde, il peut pas montrer à tout le monde. طلبة العلم كذلك بل حتى العوام s'ils connaissent une chose, ils voient un منكر, ils doivent faire دعوة. Bien sûr, selon ses capacités et avec ce qu'il connaît. قَالَ تُمَّا بَثُّهَا كَانَ مِنْ بَرَكَةِ عِلْمِ. نعم. بَرَكَةِ الْعِلْمِ. Si ton ilm il est utile, ça va engendrer deux choses. عَمَلٌ وَدَعْوَةٌ. C'est comme ça qu'on voit que si l'ilm il est profitable. C'est pour ça que nous, en tant que talib l'ilm, on doit toujours se remettre en question. Est-ce que j'applique et est-ce que je propage ce que je sais. قال ولأن ثمرات العلم أن يأخذه الناس عنك فمن شح بعلمه مات علمه بموته وربما نسيه وهو حي. نعم بركة العلم c'est de le propager. أما si tu le propages pas, ni بحث ni livre ni audio ni دعوة ni دروس, فربما tu meurs et ce علم meurt avec toi. Alors que c'était un kinz azim que tu avais. Lakin, ne pas le propager, il reste avec toi. S'il te profite, alhamdulillah, et lakin, il aurait profité aux autres, ça aurait été anfa'. Ça aurait été azim. Qala kama anna man batha ilmahu kana hayatun thaniya. Sahih, li'annahu, il lui profite même après la mort. Même après sa mort, il lui profite. Fa ka'annahu, il est vivant. كأنه يكونتينو أفير دي أعمال إلى دان ساتون حسنات سون كونتي نويت جور. قال وحفظا لما علمه كذلك سي المراجعة الطيبة. طالب العلم كيف الدعوة سا لو في ريفيزي سكيل ميموريزي سكيل أبخي إي دورو سكيل أبخي إل لي بروبار إي في الحقيقة لو بخومي كي بروفيت سي لوي وجازاه الله من جنس عمله كذلك. Il veut le khayr pour les gens. Il propage ce khayr. Il donne, Allah subhanahu wa ta'ala, il lui donne. Min fadli. Na'am. Al-jaza'u min jinsi l'amal. Qala nabi sallallahu alayhi wa sallam, man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabi dunya, naffasa Allahu anhu kurbatan yawm al-qiyama. Celui qui facilite, qui enlève un mal à un ab, Allah subhanahu wa ta'ala, il lui facilite. Yawm al-qiyama. هكذا جزاء من جنس العمل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء. Le fait de propager l'ilm c'est une rahma pour l'ibad. Allah subhanahu wa ta'ala il te pardonne, il te fait الرحمه يرحمك. الجزاء من جنس العمل. ولله الحمد de nos jours il y a plusieurs moyens pour propager. Plusieurs moyens. Il y a le téléphone ولله الحمد, il y a internet, etc. Donc, on conseille nos frères, Talabat al-Ilm, qui étaient avec nous à Dammaj ou autres, en yishtahidou fihad. Yishtahidou fihad. Les gens, ils ont besoin. Combien de demandes, on ne peut pas y répondre. Même si on était beaucoup. Ah ben, look, l'an, Rubbama, on ne fait pas assez d'efforts. On a besoin dans l'arabe, on a besoin dans le Coran, on a besoin dans le tawhid, on a besoin dans le fiqh, on a besoin pour les enfants. On a besoin pour les sœurs, etc. Wallah musta'an. كذلك, on conseille nos frères anna ce khayr et cette motivation, on ne doit pas dépasser les limites. propager des choses que les gens ne comprennent pas. قال علي رضي الله عنه حدث الناس بما يفقهون. Il y a des masaïl, c'est pas tout le monde qui les comprenne. Donc il faut que tu aies de la hikma. كذلك inonder les téléphones et les nouveaux programmes, les réseaux avec des choses. بعضهم dans des salons, ils envoient des messages, ils sont longs, personne ne les lit, lui-même il les a pas lus. Et rien qu'il envoie, copier-coller, c'est pas l'ilm hada, c'est pas le da'wa. Là, des choses que tu maîtrises ant. Et des choses, tu sais qu'il y aura un profit et que les gens ils sont prêts à accepter. Alors, donc, ils envoient un message dans un salon, ils divisent tout le monde. Un message, ils divisent tout le monde, une choubha. Lui-même, il n'a pas la réponse. Après, il faut qu'on demande, est-ce qu'ils vont demander, est-ce qu'ils sont d'accord, et ça met des doutes. Là, l'ilm, l'ilm, on propage pas choubha. L'ilm, qala Allah, qala Rasul, aqwa l'ahl l'ilm. Kadhalik, on fait attention que ad-da'wa, le fait de propager, à cause de la da'wah, on ne t'a plus l'ilm. Il n'a plus le temps. Là, surtout pour les débutants. Les débutants, faites des efforts, faites talab. Faites des efforts, faites l'hibb. Et t'inquiète pas, il y a des gens qui font la da'wah, wallahi l'hamd. Ça ne veut pas dire que tu ne fais pas un tas. Lakin, tu ne fais pas et tu délaisses complètement talab. Tu ne viens plus au dorose, tu ne prends plus par cœur. Pourquoi? Parce qu'il propage nuit et jour. Là, ça, c'est pas minat tawfir. L'ilm, c'est al-talab awwalan thumma al-amal thumma al-da'wa. Amma tout mélanger là, ça te fera du mal. Qala al-imam Muqbil ibn Hadi al-Wadi'i rahmatullah alayh, un conseil kama fi gharat al-ashrita, fala ba's an tudafi' an al-haq fi hudud ma tastati'. C'est un conseil pour talabat al-ilm de hada al-imam. La ba's, ay que tu propages le haqq selon tes capacités. Bel c'est amr tayyib. Fa idha lam tastati' fa ansahuka bil iqbal ala al-ilm. Si tu peux pas. Lianna ba'd al-ikhwan rubbama ils vont se poser la question, mais il faut répondre à Foulan, il y a du shor. Comme on a déjà expliqué beaucoup. Foulan c'est un mubtadi', Foulan c'est un hizbi, Foulan il accuse, Foulan il dit. Si tu n'as pas la capacité, écoute ce conseil. Fa ansahuka bil iqbal ala al-ilm wa al-ta'lim. Fais des efforts fil ilm wa ta'lim. Et t'inquiète pas. Il viendra un jour, si tu as fait des efforts, inshallah, tu propageras ces efforts, tu les propageras ala al-wajh al-ahsan. Et tu verras que la thamara elle sera a'zam, anfa'. Amma se propager, se précipiter aqsud, tu verras que des choses ça sera hazil, il n'y en a pas. Tu n'as pas la capacité, tu n'as pas al-quwwa al-ilmiyya, tu n'as pas al-ta'sil al-matlub. Probablement tu propages des choses, c'est pas à leur place. Il n'y a aucun effet. C'est normal au départ. On applique هذا. أنصحك قال الشيخ مقبل أنصحك بالإقبال على العلم والتعليم وستتضح الحقيقة اليوم أو غدا أو بعد غد. Ne te précipite pas. Ceux qui accusent, ceux qui mentent, les munharifoun, les hizbiyoun, les ahlul bid'ah, ne te précipite pas أن الحق il est أقوى. المبتدع Al-Hizbi, al-Munharif, au départ, tu vas voir qu'il a des suiveurs, des choubahs. Tu l'entends beaucoup. Hatta ba'duhum, ils ont peur. Ils ont peur qu'ils prennent dessus. La takhaf, fais des efforts, fais l'ilm. Et la vérité, elle apparaîtra aujourd'hui, demain ou après-demain. C'est pour ça qu'un certain temps, tu les entends plus. Niveau ilm, ils sont pas là. Al-Hizbi, al-Munharif, al-Jahl, tu le trouves, il a du nashat, عند الفتنة, au départ. Comment avec le temps? Il faut des efforts, il faut patienter. Tu verras qu'ils font. Ils font comme une bougie. Ils se brûlent lui-même. Fala tastajil. Ba'd al-ikhwan, ils font une erreur. C'est qu'il veut la première semaine tout se règle. Foulan, il a dit, Foulan, il va faire. Il veut que tout se règle en un jour. C'est une fitna, akhi al-karim. Sbir. Tlob l'ilm. Tawakkal Allah, ça te fera aucun mal. Bi'idnillah. Et le temps. Un an, deux ans, trois ans, quatre ans, cinq ans, beaucoup de choses apparaissent. Hatta ça devient clair. Amma au départ, là. Au départ, si tu n'es pas occupé par l'ilm, tu peux tomber dans le fitna. Et là, au départ, rien n'est clair. Tu ne sais pas, anta, c'est le départ. Khasatan al-jahil. Amma al-alim, il connaît le fitna avant qu'elle vienne. Et le départ de le fitna, il voit qu'elle arrive. Là, il a du ilm. Al-jahil, il comprend la fitna une fois qu'elle est partie. Une fois qu'elle est partie, elle a divisé, elle a fait des dégâts. Thomas, il s'en rend compte. Tout ça, c'est quoi al-mizan? La différence, c'est al-ilm. قال الشيخ مقبل فأنصحك بالإقبال على العلم والتعليم وستتضح الحقيقة اليوم وغدا وبعد غد وإياك أن يصدوك عن العلم يرسلون لك كل يوم واحد يجادلك وغدا يرسلون آخر وهكذا حتى يصدوك عن طلب العلم. الشيخ مقبل كأنه يبارل de tout ce qui se passe الآن. Nahou, il a vécu ces choses, c'est un imam, il a vu, il a eu des élèves, il a eu un marquise, il a eu des gens qui l'ont combattu. Il connaît Makr al-Hizbiyyin, al-Dullal. Il te conseille, attention, Akhil Karim, qui ne t'écarte pas du ilm, avec al-Jidal. Un jour, il t'envoie une personne, il faut que je te parle, il faut que je te conseille. Tumma al-Munaqasha, Fulan il a dit, Fulan il a fait, mais. Tumma un deuxième jour, un autre, hatta al-Shubhal rentre dans ton cœur. Et Cheikh Mokbel, il cite ce conseil et il n'a pas connu les réseaux sociaux, le Moussaïba. Il n'a pas connu la période Internet, les réseaux sociaux. À son époque, rahmatullah alayhi, ce n'était pas propagé. Internet, c'était les débuts. Amma l'an, attention, Akhil Karim, de ces réseaux sociaux qui ne t'écartent pas du ilm. Tous les jours, un message. Thomas, tu rentres chez toi, tu as 50 messages. Des choubahs, des rumeurs. Foulan, il a dit, j'ai besoin de ça. Thomas, tu commences, les réponses. Thomas, une autre question. Léana Shubha, elle va emmener une autre Shubha. Thomas, t'es occupé par ça jusqu'à la nuit. Thomas, ton cœur, il est serré. T'as lu ni Qur'an. T'as pas fait l'adkar. T'as pas révisé le dars. Si t'as un dars. Amma ba'dhum la dorus ou la shay. Thomas, le lendemain, la même chose. Thomas, ton cœur, il est serré. Et un jour, wa li'yadu billah, bab al-dhalal, il est ouvert en face de toi. Ahdharu min hada. Débutant, t'as pas besoin de hada. Celui qui a une question, il pose un shir. Sahih. Celui qui a une shubha, il va vers un shir, ils sont kafir. Mais entre nous, on se fait du mal. Si on fait pas attention. Qala, wa hakada hatta yasudduk an talab al-ilm wa an muwasalati hifd al-Qur'an. Cheikh Mokbel, il sait que ces choses, t'arriveras pas à apprendre le Qur'an si tu fais pas attention. Qala wa listifada min kutub al-sunnah. Que tu ne profiteras pas des livres. Bardohum, nuit et jour, dans les réseaux sociaux, s'il a des livres, ils ne sont plus ouverts. Pas de durus, pas de muraja'a. Il pense, meskin, qu'il fait de da'wah, mais en fait, il est dans une fitna. Voilà, Yadri. La da'wah, elle a des fondements, elle a des shurut, des conditions, des choses à éviter, des choses à faire passer avant d'autres. Amma, des copier-coller. C'est pas de da'wa. Wallahi, anna ba'dahum, et vous savez, antum hada, ils font des copier-coller, ils ne savent pas ce qu'il a envoyé. Hatta tu lui dis, mais Akhil Karim, t'as envoyé ce message, il y a une photo, c'est haram. Thumma, il n'y a pas de source. Thumma, la parole, elle contredit tel délit. À la fin, il te dit, ah, je ne savais pas, pourquoi tu l'as envoyé? C'est hakada da'wa. Hakada da'wa. Da'wa, c'est ala basira. Ala basira. كما قال عز وجل ادعو الى سبيل ربك بالحكمه او نسيت الايه ادعو الى سبيل ربك بالحكمه او كما قال نسيت الايه التي فيها البصيره نعم ببصيره سي با الان البصيره سي العلم avec clairvoyance الان copier coller on va dire la photo t'as une refla t'as pas fait attention سهل on l'efface la référence t'as oublié et la mukhalafa c'est trop de choses الان. Cette insouciance, l'âne, là, l'âne, c'est un dépassement des limites, l'âne. Et ça fait du mal. Et kathir, hada. Kathir, fais attention, akhil karim. Utlub l'ilm. Tu verras que les messages que tu reçois, tu sauras si c'est haqqan batil. Utlub l'ilm. Tu verras que la plupart de ces messages, t'en as pas besoin si t'as des fondements. T'as des fondements fil fiqh, t'as des fondements fil loura, t'as des fondements fil aqida. Tu verras que la plupart de ces messages, c'est des choses acquises, inda talabat l'ilm. Et t'avanceras. Et c'est toi qui feras de da'wah. Sans message, sans téléphone, tu feras da'wah comme ils ont fait as-salaf. Inch'Allah, tu auras des élèves. Inch'Allah, tes élèves, ils feront da'wah. Inch'Allah, ta famille profite. Amma l'an, ba'duhum, téléphone, toute la journée, son père et sa mère, rubbama, ils connaissent pas les bases fit tawhid. Toute la journée, le téléphone. Ah, c'est une musiba. Cheikh Mokbel, il fait cette nasiha alors qu'il n'y avait pas ça à son époque. Qala, wa ma ra'aytu anfa' من بث العلم للمجتمع وفي دحض شبههم وأباطيلهم Anfa' shay c'est hada. Tu fais des efforts fil ilm comme il t'a cité, thumma tu propages ce ilm. Tu propages ce ilm comme ils l'ont fait salaf. Et tu réponds à shubuhat ahl al-bid'a wa al-dalal wa al-kufr. Et tu verras que inshallah Allah subhanahu wa ta'ala il mettra de la baraka. Lakin tout ça, la dernière étape qu'il a cité Cheikh Mouqbil, ay bath al-ilm, ay da'wa, cette étape, il y a des étapes avant. Tu peux pas, c'est pas tout le monde qui fait da'wa. Et au mujtama' répondre à ahl al-kufr wa al-bid'a, ça c'est pas tout le monde. Là, il faut un certain niveau. Ce niveau fait des efforts pour l'ilm. نصيحة جميلة للشيخ مقبل. ثم قال الشيخ عبد السلام تأليف القلوب. Le dernier chapitre, et il est important, parmi les fruits de ce علم, ça doit rassembler. العلم ça rassemble. Cette فرقة الآن, cette division qu'il y a الآن, il y a plusieurs causes. Et parmi les plus grandes causes, c'est le جهل. Une chose, أحيانا elle divise, pourquoi ? Parce qu'elle n'est pas comprise. كذلك أهل البدع والتحزب. Fais attention à l'ignorance et fais attention à أهل الشر. Ne t'approche pas d'eux. Les annahum, ils n'appellent pas à s'unir sur le haq. Ils s'appellent à s'unir imma sur une association de jam'iyya, imma un de leurs mashayikh, imma sur ses positions à lui. Et tout ça, ça divise. قال الشيخ سعدي رحمة الله عليه ومن أهم ما يتعين على أهل العلم معلمين ومتعلمين السعي في جمع كلمتهم. Faire des efforts pour se rassembler. Tout ça على الحق. Pas de concession أبدا. أي on délaisse الحق. قال وتأليف القلوب على ذلك وحسم أسباب الشر والعداوة والبغضاء بينهم. نعم. Ça arrive beaucoup entre طلبة العلم. Ils ont le même شيخ, le même منهج, la même عقيدة. Et tu le trouves, هذا, il déteste هذا. Imma hasad, jalousie. Imma jahl, il n'a pas compris. Imma précipitation. Fais attention, imma des rumeurs. T'as dit, on m'a dit que t'as dit. Alors que c'est infondé. Taqillah. Ce ilm, ça rassemble. C'est ton frère, il a la même aqida que toi, il a les mêmes fondements que toi, il a le même manhaj que toi. Awulan, il n'est pas ma'soum. Si tu veux faire le hajj, et détester tous ceux qui se trompent, tu vas détester tout le monde là. Tout le monde se trompe. Il a l'anbiya wa rusul. Alladhina asamahum Allahu azza wa jal. Mais nous là, on se trompe, on a des erreurs, il y a des choses on ne maîtrise pas. Lakin, an nasiha. C'est ton frère, tu l'aimes fillah. Qala, wa yas'auna, ou qabla dhalik, qala, wal baghda baynahum, wa an yaj'alu hadha al-amr nasba a'yunihim. Naam, c'est min thamarat hadha al-ilm. Que ça nous rassemble à l'al-haq. وَيَسْعَوْنَ لَهُ بِكُلِّ طَرِيقٍ لِأَنَّ الْمَطْلُوبُ وَاحَدٌ وَالْقَصْدُ وَاحَدٌ. Bien sûr, si il est à la sunna ce talib ilm, bien sûr son but c'est l'haq. أَمَّ أَهْلُ الْبِدْعَ لَا أَهْلُ الْبِدْعَ. Un Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous a démontré أَنَّ الْأُمَّةَ elle va se diviser. Et il n'a pas dit, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, on se rassemble avec eux. أَبَدًا. الحق c'est الحق. لا تزال طائفة من هذه الأمة على الحق. الظاهرين لا يضرهم من خالفهم. Ça ne fait aucun mal si on est sur le haq que Fulan il se divise. Wallahi, ça ne fait aucun mal, il se fait du mal qu'à lui-même. Là, le but c'est de rassembler à l'al-haq. Vous avez remarqué que le ulama, quand il parle du rassemblement, il parle toujours de haq. Bel Allah subhanahu wa ta'ala. Fil Quran. Qala jalla wa ala wa'tasimu bihablillahi jami'an. Allah subhanahu wa ta'ala, il a ordonné de se rassembler, lakin ala al-haq bihablillah. Ay al-Quran wa sunnah al-islam. Le rassemblement ne comprend pas dans le rassemblement le grand nombre. Ne comprend pas. Le rassemblement, c'est al-haq. Si c'est un rassemblement où il y a beaucoup de monde, alhamdulillah. Si c'est un rassemblement, il n'y a pas beaucoup de monde, c'est ce rassemblement, c'est ça le jama'a. Comme a dit Ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, al jama'a ma wafaq al-haq, walau kunta wahdak. C'est ça le jama'a. C'est le haq, même si tu es tout seul. Ibn al-Qayyim rahmatullah alayhi, il a un kalam jamil haoul hada. Il montre que le jama'a c'est celui qui a le haq, même si la terre entière le khalif. Et on l'a lu plusieurs fois dans certains durus. Qala wal maslaha mushtaraka fayuhaqqiqu hada al-amr bi mahabbati kulli man kana min ahli al-ilm. Tam al-ulama ulama ahli as-sunna li'annahum ils ont fait des efforts li'annahum c'est ton frère, c'est un mu'min. لأنه il a un haq azim, il fait des efforts, il a un ijtihad. Et cet amour, ça va impliquer un rassemblement. قال ومن له قدم فيه واشتغال أو نفع كذلك. On respecte les efforts des autres. Celui qui fait des efforts في الدعوة, c'est un alim min ulama sunna, ou c'est un talib ilm. Et il fait des efforts, on respecte ses efforts. Allah subhanahu wa ta'ala, il aime ses efforts. S'il est sincère, walillahi alhamd, il a tout gagné. Enfin, nous, on n'a pas le droit de... une erreur, une chose que tu n'as pas comprise, tu n'es pas d'accord, ou al-iyadu billah, de la jalousie, et c'est comme s'il n'avait jamais rien fait. Na'udu billah. On ne doit pas se comporter avec un sunni comme on se comporte avec un mubtadi al-hadar. Qala ولا يدعون الأغراض الضارة تملكهم وتمنعهم من هذا المقصود الجليل. On fait attention à des choses qui peuvent nous diviser. La jalousie, الدنيا, ça divise. Combien de frères ils se sont divisés à cause de l'argent? Les rumeurs, ça divise. Combien de frères ils se sont divisés à cause des rumeurs? Des choses infondées, là, qu'un shaitan il est rentré. Fais attention, kadalik, tu ne veux pas me sortir ton neuf, ça divise. Tu veux toujours avoir raison. Là, peut-être que c'est toi qui as raison, peut-être que c'est ton frère qui a raison. Al-Hakam, c'est le délil. Qala fayajib, ou fayuhib ba'duhum ba'dan, wa yadhubbu ba'duhum an ba'd. Ah, c'est ça le wajib entre talabat l'ilm, ahl al-sunna, al-salafiyyin, wallahi l'hamd, c'est mahabba et nusra. Tu défends ton frère il te défend. T'aides ton frère il te défend. Tu conseilles ton frère il te conseille. Si tu peux trouver une excuse à ton frère, tu le trouves. S'il se trompe, le khata il est wadah, il est conseillé. Wahakada. C'est ça les hukouk qu'on a entre nous. وَيُبْذِلُونَ النَّصِيحَ لِمَنْ رَأَوْهُ مُنْحَرِفًا عَنِ الْآخَرِ هَذَا. Tout ce qu'elle aime, ça ne veut pas dire qu'on se tait عن الحق. Et on accepte le batil. Non. لا أبدا أبدا. نصيحة. Celui qui s'est trompé, il a un haq, c'est le nasiha. Thumma, pour rapport à cette nasiha, il accepte ou pas, il y aura des autres choses. Là, qu'il la première étape, il faut la faire. Ba'duhum, ul'ayadu billah, le shaitan, il rentre et il dit, là, qu'il il accepte pas. Je le connais, il accepte pas. Taqillah. Tu connais ou tu connais pas. Allah subhanahu wa ta'ala amrak bihada. Ar-Rasul sallallahu alayhi wa sallam amrak bihada. Man ra'a minkum munkaran fal yughayyirhu, qal Nabi sallallahu alayhi wa sallam. الدين النصيحة قال النبي صلى الله عليه وسلم. أما si on laisse cette porte, mais je le connais, il accepte pas, tu feras pas conseil à grand monde. Fais conseil, ton mal acceptation, c'est pas عليك. قال عز وجل إنك لا تهدي من أحببت. النبي صلى الله عليه وسلم il a fait دعوة, conseil à son oncle, à كفار قريش. Il allait faire l'assoir, عليه الصلاة والسلام. Alors que c'était des kuffar, il le rejetait. Et il allait faire l'assoir et il faisait دعوة. Dans les marchés et il faisait دعوة. Il n'a pas dit, mais je les connais, ils ne vont pas accepter. Ah, putain, ça c'est shaitan pour que tu ne fais plus de da'wah. Tu ne fais plus de nasiha. Conseil. Et là, Allah, ce conseil, il va profiter à ton frère, il va profiter à toi. قال ويبرهنون على أن النزاع في الأمور الجزئية التي تدعو إلى ضد المحبة والائتلاف لا تقدم على الأمور الكلية التي فيها جمع الكلمة. نعم. Si c'est un khilaf, comme il appelle l'ulama sa'igh, اجتهاد من أهل العلم ثم سديفيز لفخير سدون با لديفيزي هذا في الحقيقة ton frère il met les mains sur la poitrine après recours toi tu ne l'aimais pas ça doit pas nous diviser tu bouges le doigt في التشهد il ne bouge pas ça doit pas nous diviser ton frère il dit qu'il ne faut pas faire le jeûne يوم السب toi tu dis qu'il faut le faire يجوز de le faire يوم السب ça doit pas nous diviser ça c'est خلاف بين أهل العلم et le باب il est واسع. Enfin, cette chose qui est recommandée, où le khilaf, il est acceptable, à l'ijtihad, tu peux comprendre le dalil de telle façon ou de telle manière, ça ne doit pas nous diviser. Et on tombe dans une chose qui contredit un fondement de la sunna. Ta'alamouna na l'ijtima' c'est un fondement de la sunna. On a cité l'adila, wa attasimu bihablillahi jami'an, c'est un fondement. C'est pour ça qu'on appelle ahl sunna wal jama'a. Et ahl al-bid'a wal furqa. Donc, comme il a démontré sur l'islam, al-jama'a, c'est min awsaf al-ahl al-sunnah, ahl al-haq. Et le furqa, c'est parmi les caractéristiques de ahl al-bid'a. Enfin, pour quelque chose de recommandé, al-khilaf, il est wasi', ça, on se divise et on contredit un fondement de la sunnah, wal-ayadu billah. قال ولا يدعون أعداء العلم من العوام وغيرهم يتمكنون من إفسادات بينهم وتفريق كلمتهم. صحيح. كذلك attention à الدنيا, attention كذلك الجهال. Ils aiment, بعضهم ils détestent العلم, ils détestent أهل السنة. Ils aiment quand ils voient أهل السنة ils se divisent. فالحذر من هذا. Ça ne veut pas dire que celui qui il se trompe, il ne veut pas revenir au haq, on l'accepte. Là, il y a des dawabit fi hada, ma'ruf. Celui qui ne veut pas le haq, il ne veut pas le haq, il se fait du mal à lui-même. Mais il y a des choses tafiha, des choses qui ne méritent pas tout ça, cette division. Al-hadar. قال الشيخ سعدي فإن في تحقيق هذا المقصد الجليل والقيام به من المنافع ولا ما لا يعد ولا يحصى ولو لم يكن فيه إلا أن هذا هو الدين الذي حتى عليه الشارع بكل طريق وأعظم ما يلزم القيام به أهله وأنه من أعظم الأدلة على الإخلاص والتضحية الذين هما روح الدين. صحيح. أي لفخوي du rassemblement على الحق على محبة entre frères. الله سبحانه وتعالى أمرنا بهذا والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بهذا. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. Doit aimer pour ton frère ce que tu veux pour toi-même. Se rassembler à l'al-haq, le conseiller. S'il faut le star, il a fait un dhamm et tu ne dévoiles pas cette chose, il n'y a aucun profit, tu le conseilles et tu n'as pas besoin de raconter à tout le monde. Il y a des comportements qui facilitent à se rassembler. قال وقطب دائرته وأن بهذا الأمر يتصف العبد أن يكون من أهل العلم الذين هم أهله الذين ورد في الكتاب والسنة في مدحهم الثناء عليهم ما لا يتسع هذا الموضع لذكره. قال وفيه أيضا من تكثير العلم وتوسعة الوصول إليه. كذلك c'est une des causes que العلم va se propager. لأننا on est rassemblés et tu profites de ton frère. La division, Obama, tu ne profiteras plus de ton frère. Un shubha, une rumeur, tu ne viens plus au dars, tu n'écoutes plus le shir. Pourquoi? Si ce n'est pas fondé, ce n'est pas un rad ilmi. Profite, akhi al-karim, si il est ma'ruf bis sunna. Amma kam min al-nas muni'u min al-khayr. Et profite plus de certains dawas, il ne profite plus de cette da'wa azima à cause des shubha. Et en fait, ça ne fait aucun mal. Celui qui propage, qui a la haq, ça ne fait aucun mal. Léan Allah subhanahu wa ta'ala, ya'lam. Lakin pour montrer les méfaits. Qala, wa tanawwu' turuqihi ma huwa zahir, fa inna ahlal ilm, idha kanat tariqatuhum wahida, tamakkana an yata'allam ba'duhum min ba'd. Hada. Si on est tous unis à la haq, les gens ils vont profiter. Amma hada, il m'en garde contre hada, l'autre il m'en garde contre hada. Et tout ça c'est fondé sur l'ahwa. C'est fondé sur le djihl, c'est fondé sur At-ta'assub. Tu trouves Bardana, il ne profite plus, il ne sait plus de qui prend. Enfin, il va dire, Anna, je ne sais pas, je m'écarte. قال وإذا كان كل طائفة منهم منزوية عن الأخرى منحرفة عنها انقطعت الفائدة وحل محلها ضدها. نعم, division. Division, le khayr, il ne se propage pas comme il devrait se propager. من حصول البغضاء والتعصب والتفتيش من كل منهما عن عيوب الطائفة الأخرى. Entre أهل السنة, entre سلفي, entre طلبة العلم, tu trouves أحيانا الشيطان يرى, au lieu de faire des efforts, propager le khayr, faire des da'wah, des dorous, khutab, écrire des livres, etc., tu trouves كل واحد il est occupé à chercher les défauts de son frère. Alors que aucun des deux parties, ils ont khalif السنة, ils ont khalif les fondements du manhaj. لكن الشيطان كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم الشيطان لا ديزيسبيري أيس الشيطان يعبد في جزيرة العرب ولكن بالتحريش. الشيطان لا ديزيسبيري دو سفير أدوري في الجزيرة لا بيناسول العربية لا ديزيسبيري لأن التوحيد انتشر لكن بالتحريش لكن يفي تو بور ديفيزي المسلمين افيك التحريش. أي هذا يكريتيك هذا بغير حق لي غومور اي يتأكلون هذا يرد على هذا هذا شخص يزغر ده هذا alors que c'est fondé sur rien إلا الأهواء والجهل et chacun il veut sur son نفس وأغلاطها والتوسل به للقطح وكل هذا مناف للدليل وللعقل ولما عليه السلف الصالح حيث يظنه الجاهل من الدين. الجاهل il pense que c'est ça le deal. بعضهم ils aiment bien quand ça chauffe entre أهل الحق والعياذ بالله, tellement que le cœur il est malade. Il aime bien. Foulan, il rate Foulan. C'est fondé sur rien. Lakin, il aime. Il y en a, apprendre le Coran, c'est lourd. Apprendre le Sunnah, c'est lourd. Faire des ibadat, c'est lourd. Le Siyam, c'est lourd. Venir au Dourou, c'est lourd. Lakin, le téléphone et les rumeurs. Al-Nafs, elle aime, hala. Qala fal muwaffaq. Tajiduhu nasihan lillah bitawhid. Al-An, il va montrer c'est quoi la clé, la solution. S'il y a un khilaf, النصيحة لأن il peut se tromper بحق ton frère, il se trompe, t'as raison, لكن c'est quoi la solution? Tant qu'il aime le khayr, tant qu'il est à la sunnah, conseille-le. Cet amour qu'il a pour sunnah et cet amour qu'il a pour le haq, il reviendra, لكن conseille-le. فالموفق تجده ناصحا لله بتوحيد. الآن jusqu'à la fin de la risala, il va expliquer hadith Tamim ibn Aws الداري رضي الله عنه صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة. قالوا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. الحديث المشهور اللي في الأربعين النووية. الآن الشيخ سعدي va le l'expliquer jusqu'à la fin de la رسالة. قال فالموفق تجده ناصحا لله بتوحيده والقيام بعبوديته ظاهرا وباطنا وبإخلاص واحتساب وتكميلاتها بحسب وسعه. الموفق il fait conseil لله, il appelle au tawhid, il appelle au ikhlas, il appelle au sitr, il appelle à l'islam حقا كذلك وناصحا لكتاب الله بالإيمان بما اشتمل عليه كذلك. Il appelle pas à son nafs, il appelle au Coran al-Karim. Ce qu'il y a dans le Coran c'est حق, même si je ne le fais pas. Si je me trompe, reviens au Coran, ne reviens pas à ma parole. والإقبال على تعلمه وتعلم ما يتعلق به ويتفرع عنه من علوم الشريعة. كذلك il conseille à faire des efforts dans la langue arabe. Parce que la langue arabe, tu comprendras ce Coran. أما t'as pas l'outil et la langue pour comprendre la source, tu auras du mal à comprendre cette din. Et ça ouvre un porte de fitan. Les fondements, ils ne sont pas acquis. Robama, il ne comprend pas. Il croit que Foulan l'a khalif al-haq alors qu'il n'a pas khalif. Il ne comprend pas la langue, il ne comprend pas le dîn. قال الشيخ رحمة الله عليه وناصحا لرسوله صلى الله عليه وسلم بالإيمان بكل ما جاء به من أصول الدين وفروعه وتقديم محبته على كل محبة بعد محبة الله عز وجل وتحقيق متابعته في شرائع الدين الظاهرة والباطنة. كذلك يكون سيء أسويف الرسول عليه الصلاة والسلام. Et c'est ça l'explication de قول النبي صلى الله عليه وسلم الدين نصيحة. قالوا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله. C'est ça le conseil. C'est que tu conseilles les autres de suivre le Rasoul عليه الصلاة والسلام. وناصحا لأئمة المسلمين من أولاتهم وعلمائهم ورؤسائهم في محبة الخير لهم والسعي في إعانتهم عليه قولا وفعلا ومحبة اجتماع الرعي على طاعتهم وعدم مخالفتهم الضارة. كذلك طالب العلم في conseil à Oulat al-Umur s'il peut bien sûr, à l'ulama. Il y en a ces conseils qui citent l'an Cheikh Saadi, c'est pour Tullab al-Ilm et pour l'ulama. Celui qui peut conseiller, il conseille et il n'appelle pas à la révolte abadan, ça fait que du mal. Il n'appelle pas au khuruj. قال وناصحا لعامة المسلمين كذلك العوام ils ont un haq. عامة المسلمين ils ont un haq sur nous. ويحب لهم ما يحب لنفسه فلا تحتقره. Ne le déteste pas s'il n'y a pas une cause où tu l'humilies parce qu'un tas tu sais lui, c'est pas, il a un haq sur toi. Tout ce que tu connais, c'est Allah qui t'a wafaq. Fahmadillahi azza wa jal. Ne pense pas que c'est parce que tu as fait telle chose. C'est des asbab faqat. Allah subhanahu wa ta'ala, il a une hikmah. Wa yakrah lahum ma yakrah li nafsihi. Naam, il aime pour les gens ce qu'il aime pour lui-même et il déteste pour le muslimin ce qu'il déteste pour lui-même. Donc ça va le pousser à leur montrer le khayr. وَيَسْعَى فِي إِلْصَالِ النَّفْعِ إِلَيْهِمْ بِكُلِّ مُمْكِنْ وَيُصَدِّقْ ظَاهِرُهُ بَاطِنَهُ. كذلك, il ne se contredit pas. Ce qu'il a dans le cœur, ça doit apparaître. Et ce qu'il dit aux gens de le faire, il le fait. حَتَّى il ne fait pas du mal à la da'wa. قَالَ وَأَقْوَالُهُ أَفْعَالَهُ وَيَدْعُوا إِلَى هَذَا الْأَصْلِ الْعَظِيمِ وَالصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ فَنَسْأَلُهُ تَعَالَى. نعم, كذلك, il appelle à sunnah. Il appelle pas à son nafs. Il n'appelle pas à suivre son shir, il n'appelle pas à suivre le shir de tel pays ou tel madhab. Il appelle à suivre as-sirat al-mustaqim. Comme a dit Azza wa Jal, اهدنا الصراط المستقيم. C'est صراط الله, c'est le Coran, c'est le Sunna, c'est l'Islam, c'est منهج السلف. Donc il appelle à هذا. فنسأله تعالى أن يرزقنا حبه وحب من يحبه وحب العمل الذي يقربنا إلى حبه ويهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب وصلى الله على محمد وسلم. انتهينا ولله الحمد. Cette rissale عظيمة نافعة de Cheikh Saadi, et on a profité ولله الحمد, et on espère que ça sera profitable pour nos frères qui écoutent. Et c'est important, comme on l'avait cité dans l'introduction, pour talabat al-ilm, ceux qui débutent, ou ceux qui talabent déjà l'ilm, ou même l'ulama, c'est important de revenir toujours à ce genre de livre. Ce genre de livre, ils vont te montrer tes devoirs, tes droits en tant que talab al-ilm, tes huquq. Ils vont te montrer le comportement, ils vont te montrer les choses qui font du mal, ils vont te montrer la méthodologie. Ah là, c'est un mode d'emploi que tu as besoin. Pour Dunia, ils font des études, comme on a dit, ils ont des modes d'emploi, ils ont des choses pour arriver très vite à leur but et ne pas perdre de temps. On fait des efforts et toujours ad-du'a. Tawakkal 'ala Allah et taqwa, et inshallah ce que Allah subhanahu wa ta'ala taqaddar fihi al-khayr. Wallahu al-musta'an. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. Le prochain dars qu'on fera inshallah ta'ala à la place de celui-là, ça sera في ما يتعلق بالصيام, صيام رمضان. Et on étudiera ensemble inshallah ta'ala à partir du prochain dars, لان رمضان c'est قريب, كتاب الصيام من عمدة الاحكام. عمدة الاحكام للحافظ عبد الغني المقدسي. Et on étudiera le chapitre de Siyam. Et Amdat al-Ahkam, ta'alamoun, c'est un livre, il est mufid jiddan. 400 et quelques hadiths. Al-Hafid, al-Maqdisi, rahimahullah, sahib al-Iqtisad, fil i'tiqad, il a cité des hadiths que de Bukhari ou de Muslim ou des deux. Que des hadiths sahihah fil fiqh. Donc, nous, on étudiera ensemble le chapitre de Siyam. Il est complet. Que des hadiths du Prophète sallam fil Siyam. Et inshallah on essaiera d'expliquer, de faciliter à nos frères. Alhamdulillah rabbil alamin. Ma'a tahiyyati dammaj afaq.com.